Maintenant, dans la deuxième partie, le sujet, c'est foi spirituelle ou conscience universelle. Est-ce que, dans la suite qu'on parle du phénomène de la croyance, est-ce que les individus qui ont à vivre d'une conscience de leur relation avec leur double, est-ce qu'ils s'éliminent toute forme de spiritualité ou, au contraire, lorsqu'on a une connexion avec notre source, l'aspect spirituel change simplement de forme? Est-ce qu'en d'autres termes, relation avec le double équivaut à élimination de la spiritualité ou l'inverse? Au début, il y a une certaine spiritualisation de l'être parce que l'homme vit un état de conscience différent. Mais avec le temps, puis avec l'évolution de la conscience mentale, du corps mental, avec le changement vibratoire des corps subtils, le côté astral spirituel de la conscience disparaît. Puis l'homme commence à goûter un peu de ce que j'appelle l'intelligence intégrale, c'est-à-dire l'intelligence qui n'est pas supportée par l'émotion spirituelle. Ça prend un certain temps. Ça fait partie de l'évolution de l'homme, d'ailleurs. Ça fait partie de l'évolution ou du développement de la conscience supramentale. Vous savez, quand on emploie le thème supramental, ça veut dire essentiellement différent des conceptions humaines. Quand on parle d'intelligence supramentale, on parle d'une intelligence qui fonctionne d'une façon totalement différente de ce que l'homme peut s'imaginer. Et la diminution éventuelle, l'élimination éventuelle de la spiritualité fait partie de ce processus-là. Il faudrait peut-être garder le thème spirituel, parce que le thème spirituel doit être mis en contexte. Si on regarde spiritualité dans une définition très large, spiritualité implique quelque part une soumission à quelque chose. Spiritualité mais implique une soumission soit à un être divin ou à des forces supérieures. Spiritualité, ça implique toujours une certaine soumission. Et dans cette soumission-là, l'homme vit, ou l'homme est assujetti à une certaine déformation de la réalité qui est récupérée par l'anesthésie des mystères. Les mystères créent une anesthésie de l'esprit chez l'homme. Puis l'homme devenant un être intelligent, c'est-à-dire un être qui est de plus en plus dépourvu d'émotions dans le mental, l'homme en arrive éventuellement à avoir ce que j'appelle une conscience critique. Sur le plan mental, on a développé l'intelligence critique. Mm-hmm. Mais on n'a pas développé encore la conscience critique. Et dans la conscience critique, la spiritualité est inexistante. Sinon, il n'y aurait pas de conscience mentale supérieure. Mm-hmm. Parce que quand on parle de conscience mentale supérieure, on parle de capacité chez l'homme de comprendre de façon absolue les plans invisibles à quelque niveau qu'ils soient. Si l'homme a moins d'éléments de spiritualité à sa conscience, à ce moment-là, c'est comme si, au lieu de voir un ciel qui serait totalement sans nuages, il y a des petits nuages. La spiritualité, c'est des nuages. Autrement dit, ce sont des attitudes mentales, psychologiques, égoïques, qui empêchent l'homme de traiter de façon très précise avec son énergie, qui, sur le plan mental, devient un outil de perception, un outil de révélation, un outil d'étude, et ultimement, quand l'homme sera suffisamment évolué, un outil de confrontation avec les forces de ces plans-là. C'est là que l'homme a une conscience en fusion. Autrement dit, l'homme sur la Terre sera un être capable d'être en confrontation créative avec ces plans-là. Mais tant que l'homme demeure un être spirituel, il demeure enraciné dans les conventions ou dans les conventums de l'évolution. Il demeure un être assujetti à des formes quelconques de croyances. Alors, comment ça se fait que les gens ont tellement soif de maître, de gourou, finalement de soumission à des formes invisibles, à des aspects invisibles? C'est parce que les gens, préconisent que ces êtres-là savent des choses, ce qui est exact. Ces êtres-là savent des choses. Mais ce que l'homme ne réalise pas, c'est que dans la mesure où il s'assujettit à un être, il s'assujettit au même taux vibratoire que lui. Mais si quand tu t'assujettis à un être, tu t'assujettis à son taux vibratoire. Mm-hmm. Et l'homme doit en arriver à entrer dans sa propre vibration. Et c'est ça l'identité, c'est ça la centricité. Et à ce moment-là, mais, s'il est en contact ou s'il rencontre de ces êtres-là, qui sont des gourous, des maîtres ou quoi que ce soit, à ce moment-là, il aura quelque chose à leur apprendre, à leur dire, parce que son taux vibratoire ne sera plus assujetti ou assujettissable par des attitudes mentales inférieures, planétaires, astrales. Il sera libre. Mais l'individu qui est spirituel ou qui vit dans une forme de foi cherche généralement à échapper à certains aspects du quotidien matériel et vise à prendre contact avec la vibration du maître ou des gourous en question. Vous dites qu'il s'assujettit à la vibration du maître. Est-ce que ce n'est pas, dans le processus de conscientisation, une inévitabilité de passer par ce circuit? Dans la mesure où l'individu traite avec des maîtres, comme vous dites, qui font partie de l'involution. Mais si l'homme traite avec des hommes qui font partie de l'évolution, il ne pourrait pas s'assujettir à leur vibration, parce que ces hommes sont forcés, de par leur vibration, de briser le lien avec eux autres. OK. Donc, tout individu... Autrement dit, autant l'involution ou un maître involutif peut entretenir une forme de liaison avec son disciple ou celui qu'il suit ou celui qui recherche à travers lui une certaine connaissance, autant l'homme de l'évolution, l'homme futur, cherchera à établir une séparation éventuelle avec ces êtres-là, parce que il ne pourra plus supporter leur ignorance. Un maître spirituel peut supporter l'ignorance d'un être en évolution et en recherche spirituelle, mais un être conscient ne peut pas, quelque part dans le temps, supporter l'ignorance d'un être qui est en évolution. Pourquoi? Parce que l'ignorance de l'être qui est en évolution l'assujettit à lui. Cet homme-là devient trop vibrant, il devient trop magnétique, et à ce moment-là, il retarde automatiquement l'évolution de l'homme. Tandis qu'un être qui serait spirituel, qui aurait des bonnes intentions spirituelles, pourrait pendant très très longtemps être confortable avec des êtres qui sont assujettis à lui au niveau vibratoire, parce que lui ne serait pas dans un mode ascendant d'intelligence, il serait simplement dans un mode ascendant de conscience spirituelle. Et ça fait toute la différence. Bon, l'individu qui est conscient vise à établir des rapports avec des gens qui sont conscients. Mais l'individu conscient est souvent confronté, voire même c'est régulièrement confronté à des gens qui sont pas sur la même longueur d'onde, et qui ont quand même une fonction presque vitale dans ces structures de travail, ces choses-là. Quelles sont ses ressources à cet individu-là pour supporter la différence? Sur quelle dynamique? Le gourou, lui, il semblerait être animé par une mission, mais l'autre qui est conscient n'est pas animé par aucune mission. Qu'est-ce qui peut permettre d'entretenir un échange avec d'autres individus qui sont inévitablement inconscients par rapport à lui? Qu'est-ce qui entretient l'échange? C'est son rythme d'évolution. À un certain niveau d'évolution, l'homme a un certain rythme, donc il y a une certaine capacité, une certaine résistance, certaines illusions. Ce sont ces illusions qui permettent de garder certaines relations avec les hommes. Mais au fur et à mesure qu'il va passer à un autre rythme d'évolution, ces illusions-là, il y en aura peut-être d'autres. Éventuellement, il éliminera ceux-là, puis ensuite, il y en aura d'autres, il éliminera ceux-là. Fait qu'éventuellement, l'homme est forcé d'en arriver à ne plus à ne plus être obligé de subir l'illusion des autres. Puis à ce moment-là, c'est à ce moment-là que l'homme devient très, très sélectif. Puis ça, ça peut aller jusqu'à se retirer complètement de son milieu ou de se créer un milieu qui lui convient pendant tant de temps, jusqu'à temps qu'il passe à un autre niveau de développement, puis ça n'a pas de fin, ça. Donc, un processus de conscientisation là, au niveau de la vie terrestre, c'est de l'isolement en bout de ligne. C'est pas de l'isolement dans le bout de ligne, c'est de l'isolement dans la tête en bout de ligne. C'est dans ta tête que tu t'isoles. C'est pas physiquement. Physiquement, tu peux avoir des relations, tu vas les contrôler, tu peux accorder tant de temps dans une relation humaine, et ainsi de suite. Mais dans ta tête, l'isolement est très avancé. Mm-hmm. Mais on parle... L'homme, il ne s'agit pas pour l'homme. L'homme, d'ailleurs, ne peut pas vivre isolé. S'il vit isolé, il vit encore dans des illusions spirituelles d'un autre ordre. Par contre, au cours de l'évolution, au cours du développement de sa conscience, il en arrive à pouvoir s'isoler de certaines choses, qui auparavant étaient nécessaires pour lui. Mais rendu à un certain moment, c'est plus suffisant. Il s'isole. Et il se crée... Il se crée ce que j'appellerais un tombeau vivant. Ce que j'appelle un tombeau vivant, c'est une condition de vie par rapport au monde, par rapport à la forme matérielle, qui est totalement en harmonie avec l'humain. La différence entre les Tibétains qui font la même chose sur les montagnes, c'est quoi exactement? La différence, c'est que les Tibétains se retirent du monde, tandis que l'homme conscient ne se retire pas du monde. C'est dans sa façon de dealer avec le monde qu'il se retire. Pouvez-vous faire les nuances? Bon, je vais vous donner un exemple. Moi, je vis en étroite relation avec ma famille, là, ma femme puis ma fille. Puis il y a suffisamment d'énergie entre nous trois. Entre nous trois, là, on sera capable de vivre, si on voulait, là, totalement en séclusion pendant un an, deux ans, trois ans. Si on voulait sortir, ben, on choisirait des endroits dans le monde pour aller nous relaxer. Mm-hmm. Ensuite, on reviendrait dans notre trou. Tandis que chez le maître tibétain, quand il se retire, c'est pour respirer mieux. Autrement dit, pour donner à son corps astral une plus grande agilité, pour pouvoir probablement aller sur le plan astral, pour pouvoir communiquer avec les maîtres dans l'astral. Donc, il continue à spiritualiser son être. Il n'est pas capable de prendre l'avion puis descendre à New York pour aller voir un show. C'est la 58e. Okay. Il se coupe de la matière. Donc, dans le fond, il apporte beaucoup à l'homme au niveau de la spiritualité, mais il apporte très peu à la civilisation parce que c'est pas un constructeur, c'est pas un initié constructeur. Dans le mysticisme astral, il y a beaucoup de d'égoïsme spirituel. D'égoïsme spirituel. C'est une forme subtile. C'est de l'égoïsme spirituel. Il parle pourtant d'amour avec le tout. Ah ben, parler d'amour, c'est facile. On a parlé d'amour pendant des siècles. Parler d'amour, ça peut être très astro-spirituel. Mm-hmm. Puis, au cours de l'évolution, l'amour mental que l'homme connaîtra, ça n'a rien à voir avec l'amour spirituel de l'évolution que les maîtres spirituels ont parlé. Bon, mais disons, si on prend notre personnage qui est en voie de conscientisation, puis qui s'isole de plus en plus, est-ce qu'on pourrait affirmer qu'il aime de plus en plus, même dans son isolement? Quand on parle d'isolement, on parle de sélection. C'est pas une coupure. Quand on parle de sélection, on parle de conditions de conscience qui résultent du fait que d'autres personnes dans ton entourage n'ont pas ton taux vibratoire. La sélection, autrement dit, ce que j'appelle, ce que l'homme connaîtra comme sélection, le besoin d'être sélectif, ça sera parce que dans son environnement, la conscience ne sera pas suffisamment ajustée pour qu'il soit collectif. Un être conscient n'a rien contre la collectivité, n'a rien contre le plaisir que suscite la collectivité. Ce qui fait qu'il doit devenir sélectif, c'est parce que la collectivité ou les individus dans la collectivité ne sont pas suffisamment conscients, donc n'ont pas un taux vibratoire qui lui permette ensemble de travailler et de construire. Donc la sélectivité pour un être inconscient, pour un être conscient de demain, c'est équivalent à l'ascétisme spirituel des mystiques de l'âge ancien. OK. Mais est-ce qu'on peut affirmer, Bernard, que cet isolement-là est le propre des pères de la race, là, dans le sens que... Probablement. Éventuellement, il va suffisamment avoir de gens... Probablement, oui. Éventuellement, il y aura suffisamment d'hommes dans le monde, de conscients, de sorte que ceux qui ont atteint un certain niveau vibratoire pourront revenir sur le terrain des vaches puis travailler avec l'homme dans la science, dans l'architecture, dans la médecine, et ainsi de suite. Mais en attendant, pendant que ce mouvement se crée, pendant la période où il est encore très embryonnaire, ceux qui vivent des consciences en fusion, à un certain moment, sont obligés d'être sélectifs parce que il vient un point où sont too much pour l'environnement. L'environnement ne peut plus les supporter parce qu'ils sont trop dans un sens. On pourrait dire qu'ils deviendraient trop exigeants. Donc à ce moment-là, ils sortent pour permettre à l'environnement humain de se développer. Puis ensuite, quitte à reconnecter avec cet environnement-là, quand que l'homme sera arrivé à un niveau de conscience suffisant pour pouvoir canaliser ces très grandes énergies-là dans la matière. Donc, le processus de sélection est essentiel, en tout cas pour les initiés, puis il sera un petit peu essentiel pour les hommes en évolution. Je ne vois pas que l'homme conscient puisse passer à côté de la sélectivité ou de la sélection au cours de sa transmutation, au cours de la transmutation de ses corps subtils. Est-ce qu'on peut considérer que c'est temporaire? On peut considérer que c'est temporaire, et la seule raison qu'on peut considérer que c'est temporaire ou qu'on voudrait que ce soit temporaire, c'est parce que on voudrait admettre d'autres choses. Il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on peut dire de l'homme nouveau, de choses qui doivent se passer au début des prochaines générations, mais ces choses-là sont occultes. Ces choses-là peuvent, ne doivent pas. C'est mieux que ces choses-là demeurent inédites pour que l'homme qui est en voie d'évolution tombe pas encore, part pas encore en ballonne. Mais on peut espérer dire que dans un certain temps, l'homme conscient est en contact avec d'autres niveaux d'énergie, d'autres sources de grande créativité sur la Terre, et l'homme en évolution de conscience étant suffisamment appareillé pour traiter d'une façon intelligente avec ces forces créatives-là, à ce moment-là qu'il se créerait, dans un certain temps, une nouvelle genèse un nouveau centre de cosmicité sur la Terre. Mais on ne peut pas le décrire maintenant. C'est pas utile de le décrire maintenant. Et ça fait partie de la formation ou du développement de la race racine. Comment est-ce que la race racine va développer sa fondation sur la Terre? Comment est-ce qu'elle va évoluer? Comment est-ce qu'elle va travailler? Quelles sont les conditions qui vont permettre à l'homme de passer du plan matériel au plan éthérique, d'être en communication avec d'autres intelligences, d'autres niveaux de civilisation sur une planète expérimentale qui passe d'un cycle à un autre? Ça, ces choses-là sont occultes. Et c'est pas nécessaire que l'homme sache ça parce que l'homme a suffisamment à comprendre de choses présentement pour pouvoir traiter avec sa vie de tous les jours sans rentrer dans des notions qui, pour lui, d'une façon ou d'une autre, seraient simplement de la science-fiction et le forcerait à vouloir croire ces choses-là qui sont extraordinaires. Maintenant, l'individu, le ou les premiers initiés qui apparaissent pour créer cette sixième race doivent être ni plus ni moins attirés par, peut-être pas une mission, mais une fonction sur la planète. Ils doivent avoir une fonction. Ils sont entretenus physiquement, émotivement, psychiquement pour vivre et faire leur fonction. Comment on peut mesurer le fait que dans leur retrait, ils ont terminé le travail qu'ils ont à faire ou à exécuter. Est-ce que si on dit l'initié se retire, le travail est fait? Non. Non. Non, parce que ça ne veut rien dire qu'un initié se retire. T'sais. Un initié peut se retirer sur le plan matériel puis continuer à travailler sur le plan éthérique. Ça ne se retire pas, un initié. Par contre, ça peut se sortir de la circulation, ça peut physiquement être moins présent, moins actif, mais ça ne sortir pas. Donc, si je comprends bien, la sélection de ces êtres-là est simplement une possibilité pour eux autres de changer leur niveau de travail, leur niveau d'action. La sélection des âmes en évolution de conscience dans l'avenir, ça va faire partie du besoin d'en arriver à comprendre ce qu'on pourrait appeler les limites de leurs besoins. Un homme qui n'est, surtout sur une planète comme la nôtre, qui ne connaît pas ses besoins, je parle pas de désir, non. Qui ne connaît pas ses besoins, c'est un homme qui est très pauvre en esprit. Parce qu'une fois que l'homme connaît ses besoins, puis qu'il a la volonté et l'intelligence pour les actualiser, ces besoins-là, parce qu'ils font partie de sa conscience, à ce moment-là, l'homme ne vit plus la vie sur la Terre comme l'homme évolutif la vit. Il ne connaît plus la survie sur la Terre, il ne connaît plus la survie psychologique sur la Terre, ni la survie matérielle, ainsi de suite. Donc, toutes les composantes créatrices de son mental sont affiliées à des niveaux d'énergie d'ordre créatif qui sont très, très immanents, qui sont très présents, qui font partie de tout son être. L'homme n'a plus aucune inconscience de lui-même. Donc, son avenir, il connaît la direction de son acheminement, ça fait partie de sa conscience. Mais pour ça, faut qu'il apprenne à travers la sélectivité à condenser ses énergies. Et c'est ce que ça va faire, d'ailleurs, la sélectivité. Puis vous n'avez pas besoin de parler de ça en tant que par rapport à des initiés. L'homme inconscient, le fait, quand vous avez eu des amis pendant 3, 4, 5 ans, puis qui vous ont vampirisé, ou 10 ans qui vous ont vampirisé, ou vous avez eu des maris qui vous ont vampirisé, ou des femmes qui vous ont vampirisé, puis un jour vous dites, bon, c'est assez les folies, là, tu sais, là. Vous faites de la sélection. Mm-hmm. Fait que dans le fond, tous les hommes font de la sélection. Par contre, l'homme inconscient, quand il fait de la sélection, ça y prend 15 ans avant de crisser quelqu'un là, tu sais. C'est long, là, puis c'est, les émotions sont tordues. Il y a une femme dans le Nord là, qui s'est faite battre par son mari depuis 24 ans. Tu sais, une femme qui se fait battre par son mari pendant 24 ans, piataf. Finalement, il est arrivé un jour, le bonhomme, il a cassé les bras de son fils. Là, ça l'a déclenché pour le tuer. C'est arrivé, ça fait pas longtemps, là. Puis là, que son fils se fasse casser les bras là, pour qu'elle réagisse. Là, tandis qu'une femme consciente qui se fait battre par son mari, il sort tout de suite par le petit trou 2 minutes plus tard, c'est fini, ou ça, Fait que si la femme n'est pas capable de faire de sélection, c'est amené de la sélection, si elle n'est pas capable de faire de sélection dans sa vie parce qu'il fait bien l'amour, puis il donne des bleus, mais quand il donne l'amour, elle oublie les bleus, ben à ce moment-là, elle n'est pas sélective, fait qu'automatiquement, mais avant qu'elle rentre dans son identité, ça va prendre du temps. Ouais. Tandis que moi, si je battrais ma femme, je suis sûr que le lendemain matin, ça sera out. Bernard de Montréal, non, elle me crisse la porte assez vite. J'aurais même pas le temps de prendre mes bottines. Elle dirait, laisse-le là, tes crises de bottines. Ouais. Fait que, ça va très, très loin, la sélectivité. Si on amène ça sur le plan culme, évidemment, ça va encore plus loin. Puis plus t'es conscient, mais plus, t'es obligé d'harmoniser ton énergie, sans ça, tu sautes. Un homme qu'on sait, c'est comme un dynamo. Mm-hmm. Fait que tu sautes. Fait que pour ne pas faire sauter personne, puis pour ne pas sauter, mais tu sélectionnes. Mais on n'est pas habitué à sélectionner parce que ça fait pas partie des lois de la charité chrétienne. Alors, comment on peut imaginer un individu qui devient conscient qu'il peut être nuisible pour son environnement? Ça me semble. C'est paradoxal. Ça semble pas être possible. Un individu conscient? Un individu qui est conscient, là. Un individu qui... Conscient? Ben, en tout cas, comme vous le dites, là. Ouais, mais comme je le suis ou comme vous le dites? Je voulais pas vous mettre ça à sellette, mais comme vous le dites. Non, comme vous êtes. C'est pas que je veux pas me faire mettre ça à sellette, mais je veux pas que vous mettiez vous-même ça à sellette. Autrement dit, conscient, le monde parle de conscience, puis j'en regarde du monde qui sont supposés conscients, Puis, j'ai pas d'illusion que la conscience est un processus qui est très long. Ouais. Il y a du monde qui sont très fins, qui sont très gentils, qui sont très sensibles, qui sont très délicats. Puis, on dirait que ce sont des gens qui ont une certaine conscience. Mais de là, être conscient, c'est une autre paire de manches. Conscience, c'est être conscient, c'est être capable d'être intelligent tout le temps. Ça, c'est être conscient. Mm-hmm. Mais si t'es pas capable d'être intelligent tout le temps, tu peux pas être conscient. Fait que lui, dans le coin, s'il est bien smart, le petit gars habillé en bleu, puis il a une belle vibration, puis c'est un être qui a une très belle vibration, de là à dire qu'il est conscient, c'est une autre paire de manches. Il peut pas être conscient parce qu'il est même pas capable de contrôler ses énergies. Il est tellement sensible à ses énergies que ses énergies deviennent sur... ses énergies le contrôlent. Ce qui lui donne une sorte de nervosité intérieure qui fait partie d'une de ses souffrances. Mm-hmm. Ça fait que quand on parle de conscience, vous ne devriez jamais parler de ça de conscience. Parler d'évolution de conscience, puis transformation de conscience. Puis quand vous serez conscient, vous ne parlerez plus de conscience. Mais tant que vous parlez de conscience, vous risquez d'être inconscient. Ça veut rien dire, la conscience. C'est un terme qu'on utilise pour expliquer des états d'esprit, des états de conversion d'énergie, des états de télépathie avec le plan mental supérieur, et ainsi de suite. Mais quand vous parlez de l'homme, l'homme en évolution, que l'homme soit en évolution de conscience, là, c'est bien. C'est un jeune homme-là, il est en évolution de conscience. Puis, ça, c'est bien. Mm-hmm. Bon, ben, être en évolution de conscience. Oui. Est nécessairement mieux. Que hier, ah ben c'est évident, parce qu'un être en évolution de conscience déjà comprend son inconscience antérieure, donc il rentre dans une certaine intelligence de lui-même. C'est avec le temps qu'on arrive à pouvoir contrôler l'énergie qui se dégage de cette intelligence de lui-même. Puis ça fait partie de l'initiation de l'homme, ça fait partie de la transformation de l'homme. Fait que tu peux pas blâmer un homme pour prendre 10, 15, 20 ans, 30 ans, ça dépôt 30 ans pour en arriver à avoir une certaine conscience, puis chaque être aura sa conscience. Les âmes, c'est comme des cristaux, tu sais, il y a un âme dans un certain cristal, l'autre dans un certain cristal, l'autre dans une certaine vibration de cristal. Fait que chaque être humain a son taux vibratoire, hein, c'est cette vibration-là qui fait de lui, qui fait qu'il a une certaine conscience. T'es capable de dealer avec cette conscience-là, mais t'es bien. Moi, ma femme, elle a une certaine conscience, elle n'a pas ma conscience, mais elle a une certaine conscience, puis sa conscience est suffisamment avancée pour que moi, je puisse vivre avec elle. Mm-hmm. Puis moi, je suis suffisamment conscient pour pas y casser pied avec ma conscience. Fait que c'est ça, de la conscience. Mm-hmm. Ça fait que... Mais dans le processus de l'évolution de l'homme, il va falloir que l'homme soit sélectif, éventuellement, parce qu'il y aura pu... j'appelle toujours ça des buffers, il y aurait pu la résistance de l'inconscience de l'autre qu'il y avait avant. Mm-hmm. Pendant 10 ans, t'es capable d'en prendre une certaine conscience. T'es inconscient, ton mari te bat, il te fait l'amour le soir, t'es content, ça recommence le lendemain, tu fais ça pendant... Mais quand t'es conscient, tu peux plus te faire battre par ton mari. C'est anti-conscience. Fait qu'un jour, il va se passer quelque chose entre vous deux, tu sais. Fait que la femme, elle va devenir plus consciente. Donc, une personne en évolution de conscience, elle est en évolution à cause du fait qu'elle n'absorbe plus une forme de souffrance. Ah, ça, c'est intéressant. Je pourrais dire que le signe, la mesure d'une personne en évolution de conscience, c'est qu'elle en arrive à accepter de moins en moins de la souffrance. Mais de la souffrance pour elle ou pour lui, c'est variable. Ce qu'elle peut prendre ou elle peut prendre, ce que l'autre peut prendre, c'est variable. Puis c'est selon leur propre seuil à elle-même que doit être décidé où j'arrête. Fait qu'un être peut dire, moi là, à ce niveau-là, là, je joue plus. Mm-hmm. L'autre, elle peut dire, ben, à ce niveau-là, moi, je joue plus. Mm-hmm. Pour une autre personne, ce niveau-là peut être déjà trop much, tu sais. Fait que ce que l'homme peut vivre, qui n'est pas pour lui une souffrance, pour moi, ça peut être une souffrance atroce à cause de ma sensibilité. Fait que tu peux pas blâmer l'homme. L'homme a son niveau. Mais au fur et à mesure où il va se conscientiser que ses corps vont être mis en vibration, son seuil de souffrance va devenir de plus en plus petit. Puis je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens dans la salle aujourd'hui qui savent que là, le seuil de souffrance n'est pas aussi grand qu'avant. Avant, tu en prenais plus qu'aujourd'hui, puis demain, tu vas en prendre moins. Fait qu'un jour, il vient un point où ton seuil de souffrance est très, très, très, très, très présent. Fait que tu t'arranges pour pas souffrir. Fait qu'à ce moment-là, tu deviens-tu sélectif? Sélectif. C'est ça, la sélectivité. La sélectivité, c'est un processus qui te permet, par rapport aux autres, de ne plus souffrir. Maintenant, y aurait-il un danger de devenir trop sensible, trop vite, dans le sens que, pour faire face à la survie sociale, matérielle? La violence psychologique. Est-ce que ça pourrait, cette sensibilité là, à la violence psychologique que vous parlez, est-ce que ça pourrait être le baromètre de sa conscience, dans le sens que... C'est ce qui va l'amener à être sélectif. Mm-hmm. Puis pour continuer un petit peu sur votre question, parce qu'elle est importante, votre question, il y a une différence entre la sensiblerie et la sensibilité vibratoire. Les gens qui vivent de la sensiblerie, là, susceptibilité, c'est autre chose. Ils sont pas capables d'aller au bureau, ils sont pas capables d'aller au monde, toutes les déranges. Ça, c'est une maladie de l'âme. Ça. Mm-hmm. Ça, ces gens-là devraient être envoyés dans l'armée pour les toughen up, là, pour leur donner un petit peu de fermeté, puis ensuite le parler de conscience. Ça, c'est de la sensibilité. Mais quand je parle de sensibilité, là, de la conscience, là, ça va très loin. Puis probablement la pire, c'est pas tellement la souffrance physique, malgré qu'elle est contiguë avec la souffrance psychique. Mais la pire, là, c'est la souffrance psychologique. Là. Ce que tu vis par rapport à l'homme, et ainsi de suite. Puis tu deviens vibrant, ça, tu sais. L'homme devient comme un radar. Puis à ce moment-là, ben, il a tendance à devenir sélectif. Alors, l'individu qui est conscient de la souffrance psychologique dont vous parlez, est-ce qu'on peut le considérer évoluer, pour prendre ce terme-là, là, s'il est capable de convenir ou de traiter avec cette... Bon, s'il est capable de traiter avec la souffrance psychologique, oui, on peut dire qu'il est évolué, parce qu'à ce moment-là, il y a un certain équilibre entre ses émotions et son intelligence. Bon, puis l'autre, ça serait la sensiblerie, s'il n'est pas capable de traiter avec. S'il n'est pas capable, ça devient de la sensiblerie, puis ça devient techniquement c'est une névrose, c'est un type qui est névrotique. Mm-hmm. Fait qu'un type qui est névrotique, éventuellement, s'il arrive moindrement un choc dans la vie, il va craquer, tu sais. Fait que l'homme doit être capable, sur le plan psychologique, de dealer avec les inconvénients de la vie. Ça, c'est une chose. Ça, c'est un signe d'équilibre que les psychologues mesurent, ou que la société ou la vie te permet de mesurer. Mais quand l'homme rentre dans une conscience mentale supérieure, vibratoire, à ce moment-là, les conditions qui sont imposées à l'ego, psychologiquement, dans la vie évolutive, n'existent plus. Fait qu'à ce moment-là, le seul recours que tu as en tant qu'être, créativement parlant, c'est dans tes propres moyens de créer une certaine sélectivité. Fait que tu t'entoures de gens qui ont une certaine sensibilité à ta vibration, tu t'entoures de gens ou tu traites avec des gens qui ont un certain égard pour ta personne, et ainsi de suite, puis toi, tu connais des besoins de ta personne. Si les gens n'ont pas cet égard-là pour ta personne, mais tu les respectes, puis tu les laisses aller, ils n'ont pas la matière encore pour délier dans des hauts registres de sensibilité de conscience, puis tu es obligé de les respecter parce qu'ils ne sont pas rendus à ce temps-là. Fait que c'est comme ça que ça va se faire, la sélectivité. OK. La sensibilité dont vous parlez au registre vibratoire des êtres, est-ce que c'est quelque chose que l'individu développe comme habilité? Ou si c'est quelque chose qui vient par le fait qu'il élimine certaines illusions. Ça fait partie de... C'est la conséquence, c'est le résultat d'avoir souffert. Donc, il faut absolument souffrir. Pour, ouais, ouais. On ne peut pas évoluer sans souffrir. Ah ben non, ça, oubliez ça. À moins d'aller chez Eaton, ben, acheter un livre d'évolution pour 10,95. Mais ça, oubliez ça. Ah. Non. Vous n'avez pas besoin d'être mathématicien pour ça. Bernard, une personne qui comprend, là, qui comprend ce que vous dites, elle peut pas s'en sortir. C'est-à-dire qu'on parle de souffrance. Il y a des gens qui souffrent et qui ne souffriraient pas s'ils étaient un petit peu plus à l'écoute d'eux-mêmes, s'ils étaient un petit peu plus à l'écoute de leurs amis. Ouais. La petite fille qui est en amour, elle a 17 ans, là, puis c'est son chum, il l'a laissé pour une autre petite fille de 19 ans, là, puis là, elle tombe dans les pommes, puis elle fait une crise, là. Tu sais, mais sa petite chum, elle avait dit, bon, ben écoute, là, ton chum, il sort, puis il est pas fidèle à toi, là, fait qu'un jour, là, tu vas te retrouver au cinéma, puis tu vas le voir là, tu vas avoir de la peine. Lâche-les ou prends une entente. Ah non, je l'aime, tu sais, quand ça aime, bon. À ce moment-là, mais si elle écoutait ou si elle avait été entraînée à écouter par ses parents, ainsi de suite, s'écouter elle-même, elle passera pas à travers de ça. Elle souffrira pas cette souffrance-là. Ça ne veut pas dire qu'elle n'en souffrira pas d'autres, mais au moins elle aurait éliminé. Il y a un grand, grand pourcentage de souffrances inutiles qu'on vit sur la Terre, puis ce sont ces souffrances-là qui sont aberrantes. Il y a des souffrances initiatiques inévitables sur la Terre, parce que l'homme peut pas de lui-même comprendre les mécanismes occultes de son ego. Ça, oubliez ça, les Grecs ont essayé, on a essayé pendant l'évolution, l'homme ne peut pas, de par lui-même, connaître les mécanismes occultes de son ego. Ça, il faut que ça fasse partie du contact entre lui et sa source, puis pour que le contact entre lui et sa source se fasse, il faut absolument que cette lumière-là passe à travers tout le labyrinthe de sa conscience égocentrique qui a été développé puis qui est devenu aujourd'hui une carrière. Fait que à ce moment-là, c'est pas facile pour l'homme de se comprendre. L'homme peut se comprendre, l'homme peut se savoir, l'homme vivra certainement des souffrances à ce niveau-là, mais ayant déjà appris à ne pas souffrir avant, il sera en mesure de moins souffrir après. Okay. Donc, mais si l'homme ne s'initie pas à pas souffrir de choses qui sont réellement banales sur le plan psychologique de la vie de tous les jours, puis ensuite il pense qu'il va rentrer dans l'évolution de sa conscience puis pas souffrir, c'est évident qu'il va souffrir encore plus parce que déjà, il n'est pas équipé psychologiquement pour pouvoir traiter de façon intelligente avec sa vie. Puis l'homme n'est pas intelligent de sa vie. L'homme, il a une certaine intelligence, il a un certain intellect. Ça, c'est comme les psychologues, ils sont bien bons pour donner des conseils, mais quand il s'agit de réellement vivre une vie créative, ça marche pas. Bon, ben l'homme est comme ça. Tous les hommes sont des psychologues, tous les hommes sont des aides qui sont très habiles à donner des conseils, mais quand il s'agit pour eux autres là de mettre de l'ordre dans leur vie, d'harmoniser leur vie, puis de rendre leur vie totalement créative, puis d'amener leur vie sous le contrôle, ça c'est du stock. Pourquoi? Parce que on a des mémoires de race. On est des Italiens, on est des Juifs, on est des Arabes, on est des Québécois, on est des Américains, forgé à des mentalités. On est forgé à l'image de la masse. On n'a aucune identité. Fait que quand l'homme commence à prendre conscience de son identité, c'est du stock. Puis c'est inévitable qu'il vive une souffrance, qui est simplement le backlash de son ego contre la pénétration de ces grandes forces-là. Tu peux pas jouer avec ton esprit. Tu peux jouer avec des entités puis jouer aux magiciens avec des entités comme des ésotéristes font, mais tu joues pas avec ton esprit. Ton esprit, c'est toi, c'est ta source. Mm. Puis quand cette affaire-là commence à descendre, puis elle descend quand qu'elle veut, comme même tu prierais le bon Dieu pour que ça descende, quand que ça descend, cette chose-là, cette énergie-là, cette fusion-là se prépare pour l'évolution d'une humanité future, l'ego, il faut qu'il s'enligne, puis l'énergie l'enligne, puis la conscience l'enligne, puis c'est là que l'homme devient un grand initié. Fait qu'en attendant, si l'ego est suffisamment intelligent pour s'enligner tout seul au niveau psychologique, au niveau des conneries de tous les jours, là, qu'on vit de tous les jours, là, la fameuse incapacité qu'on a, qui est fondamentalement une triomphe de l'astral sur nous autres, cette fameuse capacité qu'on a de pas se grouiller le cul quand on souffre de certaines conditions existentielles humaines, pour toutes sortes de bonnes raisons, là, qu'on rationalise ad vitam aeternam, là, jusqu'à temps, là, que ça devienne too much, là, puis là, qu'on saute, qu'on a une crise cardiaque. C'est très bon, les crises cardiaques pour l'homme. C'est des crises cardiaques. C'est fameux ce que ça fait. Ou qu'on part d'un bras, là, parce qu'on a bu, puis qu'on est allé vite, on a fait de la vitesse, là, on perd un bras d'un accident d'automobile, ou ta femme a te sacre, là, après des années, là, parce que tu l'as dominé, puis t'as pas eu la sensibilité pour reconnaître sa sensibilité. Fait qu'un jour, t'as un gros choc, là. Là, tu commences à comprendre. Ah! Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'attendre d'avoir des chocs pour comprendre, au lieu de commencer lentement à cliner, puis cliner, puis cliner, puis cliner. Tu l'aimes-tu ta femme ou tu l'aimes pas? Tu l'aimes-tu ton mari ou tu l'aimes pas? Décide-toi! Je l'aime pas, mais il prend soin des enfants. Ça marche pas, ça. C'est pas intelligent. Fait qu'à ce moment-là, rencontre-lui, dis-toi, je t'aime plus, tu prends soin des enfants, t'es bien gentil, mais je t'aime pas. Ça va créer un choc, puis il va pouvoir prendre une autre décision ou travailler. Il faut que tu en arrives un jour à décider quelle pièce tu vas le mettre, ton piquet. Le gars, il se promène avec son piquet toute sa vie. Il n'est pas capable de te planter dans la terre, le Christ de piquet. Fait que si tu n'es pas capable de planter ton piquet dans la terre, tu peux pas attacher une corde dans ton piquet, puis un autre piquet, pour faire une, prendre une mesure de ta surface. Fait que tu n'as jamais de mesure de toi-même. Mm-hmm. Fait que la bonne femme est avec la bonne dame depuis 20 ans parce qu'il n'a jamais rentré dans le mur. Il est juste arrêté, juste avant. Il s'aime plus. Fait que tu peux pas vivre de même. Faut que tu mettes de l'ordre dans ta vie quelque part. Faut que tu aies de la volonté puis de l'intelligence. Puis après ça, vous autres, vous appelez ça aimer. Tu peux pas aimer si t'as pas d'intelligence puis de la volonté. Tu peux avoir le petit amour astral là, qu'on vit. Là. Moi, j'appelle ça de la guidonnerie sentimentale. Mais c'est pas de l'amour, ça. Aimer un homme qui aime sa femme, il y a une façon pour un homme d'aimer sa femme, puis il y a une façon d'une femme d'aimer son mari au niveau de leur esprit. Puis ça, ça bouge pas, ça. C'est comme du ciment, ça. Mais nos petits amours qu'on a, qui sont, qui selon le cycle de la lune, là, c'est, ça, c'est des conditions humaines, c'est la condition évolutive. Les romans sont faits de ça, puis on les achète à tous les jours. Les films sont faits de ça, puis on nourrit Hollywood à tous les jours. Puis, les chanteuses d'amour, là, les vendeurs, là, d'amour, là, c'est la planète n'est pleine, là. On les écoute à tous les jours, t'sais, on est dans le bain, pour, c'est rendu qu'on est même plus capable de vivre sans eux autres, tu sais. Fait que, comment est-ce que tu veux que l'homme, puis après ça, l'homme, il veut devenir conscient. L'homme, il veut être en contact télépathique avec les circuits universels, monsieur. L'homme veut retourner à la source. Il est même pas capable de couper son étron quand il voit que ça peint, là, t'sais. Puis là, il veut retourner à la source. Bon, qui c'est qui est le maître, là, dernièrement, là? Il y a Bernard de Montréal, là, il dit que c'est pas un maître, mais moi, ça a l'air d'être un maître. Il y a le gourou un tel, là, m'allait faire un petit tour aux Indes, là, t'sais. Là, le gars, il se promène. Les Rose-Croix, les ci, les ça, je sais pas, mais il y a là, toutes sortes d'organisations, là. Fait qu'on fait pitié, tu sais. On m'a dit, comme un de mes amis que je ne voyais plus parce que j'ai fait de la sélection, on fait dur. On fait dur. On fait très dur. C'est quelque chose de là, parce que vous êtes un être attachant, puis vous dites que vous sélectionnez. Fait qu'on n'a pas de chance. Je vais dire une chose, je suis probablement très attachant parce que je fais de la sélection. Ah oui. Au moins, je vous achale pas. Je vous laisse respirer. Ouais. Les gens courent ça, les gens qui laissent respirer, parce qu'on commence à manquer d'air, sérieusement. Je sais pas si ça respire par en dedans, mais à un certain moment donné, il y a beaucoup de gens qui ont le cerveau congestionné. Ben non, les gens qui évoluent, vous avez parlé de souffrance inutile puis de souffrance quasi nécessaire. Est-ce que les souffrances qui se répètent, ce sont les souffrances inutiles? Ouais. Puis que les souffrances inévitables, c'est ceux qui sont liés à une programmation karmique. Les souffrances inutiles font partie d'un karma. Les souffrances nécessaires font partie de la fusion de l'âme. Ah, OK. La fille qui est avec son mari depuis 20 ans qui aboie, c'est un karma. Laisse-moi dire, c'est un karma. Oui, c'est un karma. Mais c'est-tu inévitable? Ben oui, ça fait partie des lois karmiques. C'est pour ça que c'est à elle de le casser, le karma. Wow. L'homme a la capacité de casser son karma. Seulement pour casser son karma, il faut que tu mettes beaucoup d'ordre dans ta vie. Pour te mettre de l'ordre dans ta vie, il faut que tu sois clair. Pour pouvoir être clair, il faut que tu sois intelligent. Puis quand tu es intelligent, tu as de la volonté. Puis quand tu es intelligent, tu as de la volonté, tu ne vis pas de l'amour astralisé. Tu sais, s'il n'y en a pas d'amour entre toi et ton mari, il n'y en a pas. S'il n'y a pas d'amour entre toi et ton chum, il n'y en a pas. Mais tu continues pas à souhaiter qu'il va s'arranger. Tu ne continues pas à souhaiter que ton mari qui te bat, puis qui te bouée, ça, il va se tasser un jour. Bon, j'ai un exemple. Faut que ça arrête. J'ai un exemple. L'astral ne devient jamais le mental. Faut que ça arrête. Ça s'ajuste. J'ai un exemple à vous présenter. Comment se fait-il qu'il y a des gens qui, pour arrêter de souffrir, coupent avec la situation qui les fait souffrir et que un an, deux ans plus tard, ils sont reprojetés dans le même type d'événement qui va encore les faire souffrir. En ce sens, on parle d'une femme, exemple, qu'elle a vécu avec un alcoolique, elle coupe avec parce qu'il est alcoolique, elle rencontre un gars qui semble être parfait, qui n'est pas alcoolique, puis trois ans plus tard, le gars devient alcoolique. Comment ça fait que des choses qu'on coupe se répètent, reviennent? C'est parce que le tempérament est plus fort que l'intelligence. Savez-vous qu'est-ce que c'est du tempérament? Du tempérament, c'est des forces magnétiques qui font partie de l'âme puis qui influent l'ego et qui force l'ego à agir d'une certaine façon malgré son intelligence. C'est ça du tempérament. On est né avec ça. Fait que quand tu regardes un astrologue, tu demandes à un astrologue, mais parle-moi donc de mon tempérament, mais il va te dire telle planète, ça fait de toi en verso telle chose. Mm-hmm. Ça, c'est le tempérament. On vient au monde avec ça, ça fait partie de notre mémoire. Puis c'est imprimé dans tout notre cycle astrologique. Mais un jour, il faut que l'homme transmute ça. Il faut que tu transmutes ça. Mm-hmm. Fait que c'est, qu'est-ce que c'est qu'elle aime, la fille? La fille d'être avec l'alcoolique qui est bas. Même si elle a laissé son mari pendant trop longtemps. Qu'est-ce que c'est qu'elle aime? Peut-être c'est parce qu'elle aime ça être une mère. C'est ça, généralement. Ouais. Si elle aime ça, si ça fait partie de son tempérament d'être maternelle, les forces magnétiques de l'âme vont toujours l'amener à trouver un gars qui va avoir besoin d'une mère. Un alcoolique, ça a toujours besoin d'une mère. Parce qu'un alcoolique, ça n'a pas de volonté. Fait que la femme, elle, ben, dans ce rôle-là, ben, elle se manifeste. Mm-hmm. Fait que lui, elle va moins que l'autre. Fait que c'est moins pire, puis elle peut durer longtemps avec elle, avec lui. Seulement qu'un jour, il va falloir qu'elle arrête d'être une mère. Mm-hmm. Bon, mais ben, ça fait partie de transmuter le tempérament. Autrement dit, ça veut dire quoi, s'arrêter d'être une mère? Ça veut dire de faire sortir de cette caractéristique-là les grandes qualités, sensibilité, générosité, puis qui sont des aspects utiles et créatifs, puis d'éliminer le reste. Mm-hmm. Mais ça, c'est la vie qui va y démontrer ça. C'est à travers la vie qu'on va l'apprendre. Bon, mais ces souffrances-là, même si si la personne a allé vivre à travers, mettons, trois mariages, même si un ami... C'est son karma. Ça fait partie de brûler ses mémoires. Bon, mais je voulais faire le point. Même si un ami conscient lui indique ou lui dit, elle ne pourra pas passer à côté? Pas nécessairement. Je veux dire, justement, ce que vous dites, un ami conscient, il dit, elle ne verra pas. Par contre, un ami conscient, ça dépend de l'affinité entre elle et l'ami conscient. C'est une grande affinité, elle va le regarder. Mais c'est un travail. Quand tu veux quelque chose dans la vie d'une personne, puis tu veux l'aider à avoir clair, il faut que tu sois capable de faire le travail pendant un certain nombre d'années. Ça peut durer un certain nombre d'années pour y faire voir des choses. Puis, dans la mesure où elle grandit, mais tu vas continuer à l'aider. Dans la mesure où elle est réticente, puis qu'elle arrête, mais tu vas faire de la sélection. Mais Bernard, dans quelle mesure l'aide est réelle si la personne est obligée de vivre ce qu'elle a à vivre? Il n'y a pas d'aide. Il y a simplement un individu qui constate la souffrance de l'autre pendant 10 ans. Il n'y a pas réellement d'aide. Mais il y a de l'aide dans le sens que si ça prend 10 ans pour l'avoir, puis si tu n'avais pas été là, ça aurait pris 60 ans pour l'avoir. C'est dans ce sens-là. Mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que l'individu qui est conscient, qui l'aide, était aussi dans sa par programmation lié à cette personne-là? Ça peut faire partie d'un contrat karmique. Ça peut faire aussi partie... ça peut faire partie d'un contrat karmique, mais que l'être conscient est capable de neutraliser à sa volonté. Mm-hmm. Bon. Aider que cette personne-là elle peut être agréable dans ta vie pendant un certain nombre d'années. Fait que tu l'aides au fur et à mesure que tu avances avec elle, mais à un certain moment, quand elle est arrivée à son plafond, tu deviens sélectif. Bon, l'aide de cette personne-là pour l'autre, est-ce que l'échange est par le fait qu'elle est agréable? Oui, ça peut n'importe quoi. Puis que quand la personne qui dit qu'elle est consciente n'a plus besoin de sa condition agréable, là, la relation, c'est quand l'autre est renforcée. Tu sais, si t'aimes quelqu'un, puis t'as beaucoup de respect pour une personne parce qu'elle a une grande sensibilité, tu peux aller longtemps dans cette direction pour l'aider, ainsi de suite, jusqu'à temps qu'elle soit rentrée dans ses bottines. Puis quand tu sens qu'elle est assez forte, là, puis qu'avouer ce que tu as montré pendant des années, à ce moment-là, t'es capable de faire de la sélection, de la laisser aller, sans ça, elle va être trop magnétisée par tes propres centres d'énergie. Mm-hmm. Puis c'est ça le danger pour un être conscient, c'est que plus un être est conscient, plus il est magnétique. Plus il est magnétique, plus il magnétise, de sorte que l'être qui est en contact avec lui, si lui n'est pas suffisamment intelligent pour le laisser aller, l'autre, il partira jamais. Mm-hmm. Ça fait que... dans l'évolution, puis comme il n'y a plus de spiritualité dans la conscience mentale, mais éventuellement, il faut que l'homme soit capable de laisser aller, parce que s'il ne laisse pas aller à cause de son magnétisme, l'autre, il va rester dans sa sphère d'énergie, puis il ne grandira plus. Mais la personne qui... J'ai la difficulté à imaginer qu'une personne arrête d'évoluer parce qu'un autre est évolué. Donc, j'en viens à l'impression que quand un est évolué, est en contact avec l'autre qui n'est pas évolué, celui qui n'est pas évolué, qui un jour se développe, va inévitablement vivre une rébellion vis-à-vis de celui qui est évolué, parce qu'il va vouloir évoluer seul. C'est inévitable dans le processus, de mon point de vue. Ça dépend du magnétisme de celui qui permet d'avancer. Si c'est une personne très consciente qui permet à un être d'avancer, c'est difficile de couper d'une personne consciente, parce qu'une personne qui est très consciente, elle connaît l'autre. Tu sais, c'est inimaginable pour un être humain qui vit en grande proximité avec une personne très consciente, là, de vivre l'expérience des dessus de l'autre. Tu sais, c'est too much, tu sais. Toi, tu ne sais pas et l'autre te sait. Tu ne sais pas, puis l'autre te sait. Fait que ça crée des grands liens, puis des grands liens, puis des grands liens. Puis ça peut durer des années, ces liens-là. Fait que quelque part, il faut que ça soit toi qui coupes ces liens-là. Sans ça, la personne, elle va continuer à être liée à ta personne. Puis à ce moment-là, elle ne pourra pas aller plus loin dans son évolution. Parce que elle va toujours être en équilibre avec ta sphère, mais elle testera jamais sa propre sphère à elle. Si on ramène ça, Bernard, à l'esprit, est-ce qu'on pourrait dire que la source de celui qui est très magnétique ou celui ou celle qui est très magnétique et la source de l'autre ont une convention qui inévitablement va laisser un groupe d'événements quelconque se placer pour que les deux se séparent, mais qu'il n'y a pas de décision égoïque qui se fait sur le plan planétaire? Ce n'est pas nécessairement des décisions égoïques, ça peut être des décisions très intelligentes, très transparentes, seulement il faut qu'ils se fassent. Qui viennent de la source? Ça fait partie de la vibration. Ça fait partie de la vibration de l'âme, ça va faire partie de la vibration de celui qui est plus conscient de l'autre. Alors, quelque part dans le temps, sa vibration va nécessiter une sélection. Je le regarde à longue échelle, là, si je regarde l'évolution de l'homme à longue échelle, l'homme conscient deviendra sélectif malgré lui-même, ça fera partie de la résonance de sa conscience. Ça fera partie de la résonance de sa conscience. Puis lui continuera, puis l'autre continuera. Nous autres, on a les êtres de l'évolution qui avons été éduqués dans des formes de conventions sociales où l'amitié joue un grand jeu. C'est merveilleux de l'amitié. Bon. Mm-hmm. Mais de l'amitié, c'est pas nécessairement éternel. De l'amitié, ce n'est pas nécessairement une chose ou une expérience entre deux êtres qui doit durer pour la vie. Nos émotions veulent que ça dure pour la vie. Mais il n'y a absolument aucun lien entre deux êtres humains sur la Terre, de quelque race qu'ils soient, qui dicte absolument que ces deux êtres-là devraient être ensemble, en relation ensemble, humaine, pour la vie. Mm-hmm. Au contraire, deux êtres humains qui sont ensemble pour la vie vivent un karma. S'ils ne sont pas capables d'entrer dans leur identité, et si deux êtres humains sont ensemble pour la vie, ils sont en dehors du karma, et ce sont eux qui prescrivent les conditions de cette permanence-là. Deux êtres, je peux voir que deux êtres conscients dans leur esprit, étant dans leur esprit, sont capables d'établir une base vibratoire entre les deux qui va faire en sorte que c'est impossible qu'ils se séparent au cours de la vie. Mais ça fait partie de leur intelligence, de leur volonté, qui est égale donc à leur amour, donc ils sont totalement intégrés dans la trinité des principes cosmiques de leur conscience universelle. Ça, d'accord. Là, il n'y a plus de karma là-dedans. C'est eux autres qui veulent être ensemble. Puis il n'y a aucune force sur la Terre, aucune scission des nations, aucun changement dans les nations, dans les gouvernements, dans le partage des possessions des États qui peut changer ça. Par contre, l'homme qui est en évolution, qui vit le karma dans ses relations humaines, puis l'homme vit bien plus de karma, c'est parce qu'il ne réalise pas. Si vous alliez voir, par exemple, une très grande voyante médium, là, qui serait capable de vous faire, je ne suggère pas que vous le fassiez, là, mais qui pourrait vous faire retourner dans le passé, la personne pourrait très, très bien vous démontrer le lien que vous aviez dans telle vie, dans telle époque avec votre mari, ou le lien que vous aviez telle vie, telle époque avec votre boss, ainsi de suite. Quelqu'un qui serait réellement compétent. Donc, l'être humain sur la Terre vit un karma relationnel, et l'homme conscient demain brisera le karma relationnel. Et quand je dis que l'homme deviendra sélectif, ça fait partie de briser le karma relationnel. Puis je suis content que vous me demandiez cette question-là parce que ça me permet de comprendre ce que je veux dire. L'homme demain brisera le karma relationnel avec les individus sur la terre, de sorte que les relations qui seront entretenues entre l'homme et l'homme seront des relations basées sur sa volonté, son intelligence, et automatiquement, naturellement, ça fera partie de leur amour universel. Mm-hmm. Alors que l'homme évolutif aujourd'hui, l'homme en évolution, vit avec l'homme sur la terre des relations ou un karma relationnel dont il ne voit pas l'ambiguïté, dont il ne voit pas le subterfuge, dont il ne voit pas l'illusion. Et c'est pour ça que vous trouvez des individus qui ont été amenés ensemble et qui ont vécu pendant des années, et qu'après des années, ils se découvrent inadaptés l'un à l'autre. Pourquoi? Pas parce qu'ils ne sont pas faits un avec l'autre, pas parce que quand ils sont rencontrés, ils n'étaient pas faits un avec l'autre, mais parce qu'au fur et à mesure où ils ont évolué, ils se sont découverts des créneaux qu'eux-mêmes auparavant ne se voyaient pas, et ils ont découvert dans l'autre des trous qu'auparavant ils n'avaient pas aperçus. Fait qu'une personne qui se découvre un créneau qu'elle n'avait pas avant, donc une force lui permettant de moins subir l'amour astral qui lie karmiquement, et qui en même temps lui permet de voir le trou dans la composition psychologique de l'autre, automatiquement, c'est une personne qui est plus évoluée maintenant après 20 ans ou 15 ans qu'elle était auparavant. Si elle n'est pas capable de faire face à la musique, si elle n'est pas capable de supporter les exigences de son créneau, donc les exigences de son intelligence nouvelle, et si elle n'est pas capable de supporter la vue du trou dans la conscience astralisée de l'autre, à ce moment-là, cette personne-là instantanément cesse d'évoluer et elle ne pourra pas aller plus loin dans son évolution, même si elle revient avec cette personne-là, même si elle recompose ou elle, si elle recrée un nouveau dialogue ou un nouveau contrat social avec cette personne-là, elle sera arrêtée dans son évolution parce qu'elle aura eu peur d'être seule, elle aura eu peur de manquer sa vie, elle aura eu peur d'avoir créé un échec, et elle sera ipso facto un échec par rapport à elle-même, même si au niveau social, au niveau de l'agglomération sociale, de elle et de lui, des enfants, ainsi de suite, elle a recréé en apparence une image de stabilité. Dans son fond intérieur, ayant créé et atteint un nouveau créneau, et ayant vu la faiblesse de l'autre, cette vision de sa conscience de l'autre demeurera marquée dans sa conscience, fera partie de sa conscience, et ce qui leur permettra de traiter en bonhomie pendant des années à venir, ça sera simplement ce que j'appellerais le protocole de leur gentillesse. Le protocole de leur gentillesse. Ça, c'est le couple karmique à son ultime évolution. Le couple karmique à son ultime évolution qui n'a pas voulu faire le grand saut et qui a préféré jouer la tablette que de réellement transformer leur vie pour se laisser mutuellement libre, pour permettre à l'un d'aller dans cette direction, devenir créatif, se remplir de son énergie, et l'autre, ainsi de suite. Et les enfants, conséquemment, bénéficient de ce grand agrandissement de leur territoire psychique. Un couple conscient, dans un couple conscient, l'homme a besoin de quoi chez la femme, puis la femme a besoin de quoi chez l'homme? Dans un couple conscient, l'homme a besoin chez la femme d'une très grande paix, dans le sens que l'homme ne peut pas supporter ce que j'appellerais la sentimentalité. Non. Ce que j'appellerais l'intelligence immotivée de la femme. Il a besoin d'une femme qui est dans son intelligence, point final. Puis la femme, elle a besoin d'un homme qui est suffisamment éveillé à sa réalité pour pouvoir la supporter. La supporter, la protéger. Le respect de sa personne. Dans un couple conscient, un est aussi grand que l'autre. Il n'y a pas de l'homme ici puis la femme là. Un est aussi grand que l'autre. Et les préconditions pour un tel couple, pour une telle évolution de couple, c'est le regard, toujours le regard fixé sur l'esprit de l'autre. Ça n'a rien à voir avec les qualités psychologiques de l'un, que l'un soit bien éduqué, que l'autre soit pas éduqué, que l'un soit riche, l'autre soit pauvre. Ça n'a rien à faire avec ça. C'est tout du domaine de l'esprit. Puis un homme et une femme qui vivent au niveau de leur esprit. Puis des problèmes en autres, il peut pas en avoir. C'est impossible qu'il y en ait parce qu'ils sont plus karmiques. Merci beaucoup, Benoît. On continue, on continue. Ah, OK. On continue. Fait que... explorer. C'est trop cool, ces conférences-là. T'sais.